Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie, l'appareil, avec vous jusqu'à minuit. Et oui, Mélomanes, édition du 25 novembre 2015. Déjà dans un mois pile, c'est Noël, ce soir, pleine lune de neige. Et que le temps passe vite, je pense que le temps passe trop vite pour moi. Et que c'est pour ça qu'on est toujours dans la bonne vieille musique à Mélomanes. D'ailleurs, merci d'avoir suivi la semaine dernière une émission quand même toute particulière au cours de laquelle on a pensé évidemment aux victimes des multiples attentats qu'il y a eu de par le monde. C'est malheureusement pas fini, il y en a eu d'autres depuis à peine une semaine, c'est pas terminé, on n'arrête pas de penser à eux, mais on a aussi besoin de se changer les idées et de pas se rendre malade avec ça parce que c'est le but premier du terrorisme. On ferme la parenthèse, c'est pourquoi on va passer un bon moment ensemble ce soir avec de la musique des plus variées encore une fois. Mais vraiment varié, très extrême ce soir. Donc sans plus tarder, on commence ça avec un peu de blues ce soir, du blues du Texas. Lightning Hopkins et Walk a Long Time au 99.1 CFNJ. Time. This is the last. But it lasts long as it could last, and it lasts up until it lasts. Yeah, this is the last. Double as I stood next to you, and I knew right there I never could forget you, for you are my every dream come true, and my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees, and just to know you're mine until the end of time makes my heart skip a yes, you are my every dream come true, and my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees, and just to know you're mine until the end of time makes my heart skip a beat. Don't find roses growing on stalks of clover. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. Sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So de retour à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, c'est dans le monde du country qu'on vient de faire une première incursion ici à Mélomanes. Comme quoi, il y a du bon dans tous les styles musicaux imaginables. On y avait touché un peu, mais jamais autant que ce soir avec Lynn Anderson et son méga succès d'octobre 1970, hein, une époque où de gros bouleversements frappaient le Québec, disons, au même moment. Mais là, on parle de la chanson « Rose Garden » qui a été, dit-on jusqu'à ce jour, un des plus grands succès hybrides de country de tous les temps. Parce qu'on s'entend que c'est du country, ça vient de Nashville et tout. Mais c'est aussi très pop quand même, on s'entend. On a aussi entendu deux frères qui ont beaucoup contribué à la popularité du country en mixant le style avec du pop, qui vivait beaucoup sous la forme du rock and roll à l'époque, évidemment. Il s'agissait des incomparables Everly Brothers, qu'on a entendu juste avant avec « So Sad to Watch Good Love Go Bad » de 1960. Une chanson qui va être reprise par plusieurs, dont Françoise Hardy et Étienne Dao, qui vont en faire une belle version beaucoup plus tard, en 2000. Et on peut pas passer quand même sous silence les magnifiques harmonies vocales des Everly Brothers qui vont influencer des légions d'artistes et de groupes dont les Beatles qui s'en cachaient pas du tout. Et juste avant ça, c'était le grand Buck Owens avec My Heart Skips a Beat de 1964. Et là, on était pas mal plus en territoire country. Buck Owens, qui lui aussi a une connexion avec les Beatles, en la personne de Ringo Starr, qui était un grand fan d'Owens et de country américain en général, qui va même aller jusqu'à reprendre une chanson de Buck Owens, soit Act Naturally sur l'album Help en 1965, et une chanson qui va aussi être la face B du 45 tours de nul autre que Yesterday. Et on a aussi entendu du blues avec le groupe The Doors et Backdoor Man de 1967, une chanson popularisée originalement par la légende du blues de Chicago, Howlin' Wolf, et une pièce aussi écrite par le compositeur principal de la boîte, de la maison disque très importante qui a été Chess Records, soit Willie Dixon, aussi contrebassiste sur la plupart des singles qui vont sortir de là. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard de Chess Records au cours de l'émission. Et sinon, on a débuté avec un autre genre de blues complètement différent. C'est assez vaste, le blues, c'est fascinant. Soit le blues plus acoustique du Texas avec Lightning Hopkins et son Walk a Long Time de 1962. Et là, on s'en va complètement ailleurs. J'espère que vous êtes bien assis parce que ça y va au tos ce soir côté style. Faut être ouvert d'esprit dans un bloc aussi éclaté qu'obscur, voire un peu glauque. Ça doit être des relents de la semaine dernière. On commence ça avec une obscurité du monde du doo-wop. Gracieuseté de Michel Poitras qui travaille dans l'ombre et m'appelle comme ça de temps en temps pour me donner des petites raretés. C'est qu'il connaît bien sa musique, ce cher Michel, un vrai mélomane. Rosie and the Originals et Angel Baby au 99.1 CFNJ. Mmh. l'an 2033. En l'an 2033. Un vieux Québécois décida de retourner à Chassalois sur l'île du Pont. Sur l'île du Pont. Par le premier du mois. Par le premier du mois. Il partit d'un bon pas. Il partit d'un bon pas. Quand il y arriva. Quand il y arriva. Tourne d'un bon pis tourne de l'autre. Lève la tête pis lève les bras. Buenos tidois. Buenos tidois. Tout ce qu'il y trouva, tout ce qu'il y trouva, des cannes de Coca-Cola, des cannes de Coca-Cola, et puis des douilles de 303, made in USA, made in USA. Ça fait que là, j'ose avoir l'espérance de rendre les oies blanches. Il a tiré deux coups de gomme dans le ciel vide. Il s'est assis sur une bœuf, il a sorti un crayon, un papier, il s'est concentré. Mon cher ministre, dans mon pays, je suis allé pour loin y passer. Aucune loi, on y est trouvé, puis de nombreuses fois, bien sacrées. Ça serait-il trop vous demander que de savoir où ce que c'est qu'ils sont passés baptême. Signé, vos affaires d'espérance durant des joies blanches. Par le dixième du mois, ce dernier reçut un beau message de ce pauvre blanc qui lui disait à peu près cela. Nous sommes pour vous déçus, croyons que vous eussiez des reçus, mais cette terre ne nous appartient plus. Elle a été vendue. En d'autres termes, vous n'avez pas d'affaires là. On vous souhaite d'excellentes récoltes, le moins de maladies possible dans la famille. Signé le ministère de l'au-delà. En l'an 2033. En l'an 2033, par le dixième du mois, par le dixième du mois, et vieux Québécois décida. No nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 25, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, you never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. Trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love feeling. Oh, that love feeling. You lost that love feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. No welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Get down on my knees for you. Let's go. 99.1 et 88.9 CFNJ. Toujours à Mélomane, où on vient d'entendre les Righteous Brothers, que je m'époumonnais à chanter en studio. Un groupe qu'on connaît aussi pour le plain des plains, ou du moins le slow des slows, dépendamment de la génération dans laquelle vous vous situez. La chanson Unchained Melody, qui va être immortalisée, entre autres, par la fameuse scène de poterie du film Ghost, ou Mon fantôme d'amour au Québec, avec Demi Moore et Feu Patrick Swayze, décédé très jeune en 2009. Mais là, on s'égare, il s'agissait du même groupe, donc les Righteous Brothers, avec You've Lost That Lovin' Feeling de 1964, une production du fameux Phil Spector, qui va être nommé meilleur enregistrement de tous les temps par plusieurs enthousiastes, et qui va inspirer, entre autres, Brian Wilson des Beach Boys à créer son Good Vibrations 2 ans plus tard, une chanson qui va coûter plus de 75 000 $ à l'époque, imaginez. Bref, c'est à ce moment-là qu'on se met à se servir du studio comme d'un instrument. Et sinon, c'était précédé, attention, d'une chanson qui était numéro 1 quand l'homme a mis le pied sur la Lune. On était évidemment en 1969 avec Zager and Evans et leur succès In the Year 2525, une pièce qui se questionne quant à l'avenir de l'homme, donc qui se projette dans l'avenir à partir de l'année 2525 et qui monte comme ça jusqu'en l'an 9595. Et c'est pas la seule qui se projetait dans le futur juste avant. On a un petit thème, on a entendu la très inattendue, j'en suis certain, 2033, le manifeste d'un vieux chasseur d'oies, suivi du reel, la grande gigue simple et du reel à bouche, tout ça tiré de Yabin du changement de 1978, tout premier album de la bottine souriante dans le line-up original, attention, et mythique, où on pouvait retrouver entre autres Jay Quentin, André Marchand et Yves Lambert, un album légendaire, vraiment un album qui a un cachet particulier. Si vous n'avez pas de disque de musique traditionnelle, commencez par celui-là, vous ne le regretterez pas. Et sinon, il y a plein d'autres bonnes musiques traditionnelles. D'ailleurs, ce soir à l'Abillon, je ne sais pas si vous avez entendu à la radio, musique à bouche, mais c'est vraiment excellent, a cappella. Mais quand même, ça reste un classique. Il y a bien du changement 78, la bottine souriante. Et voyez-vous, quand on dit qu'on peut prendre n'importe quelle direction à Mélomane, vous en avez eu un bel exemple ici. Et c'était précédé de Claude Bolling, un grand jazzman, qui entre autres a composé un paquet de trucs, entre autres beaucoup de musique pour les émissions et les vieux films de Luc et Luc, anecdote en passant. Et on a entendu son groupe qui s'était formé les Parisiennes, de jeunes femmes, avec Je te déteste en 1966. Sinon, on a entendu aussi Rosie and the Originals, Rosie qui avait seulement 15 ans lors de l'enregistrement, avec Angel Baby, une des chansons préférées de John Lennon, qui l'a d'ailleurs enregistrée en 73. On y va maintenant pour un groupe dont a fait partie, imaginez, un jeune Kenny Rogers, The First Edition, en 1968, avec l'excellente Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, au 99.1 CFNJ. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. someone painted April Fool in pitch black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no square. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, "You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille." After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. The lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. "You picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy. You picked a fine time to leave me, Lucy. Four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you heard. partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 99.1 88.9. Pour les prochaines heures, c'est quelques nuages. Un minimum de 0 cette nuit. Jeudi, ça restera nuageux. Maximum quand même chaud pour demain, 8 degrés. Et encore plus chaud vendredi avec de la pluie intermittente. Un maximum de 11 degrés, ce qui est assez surprenant quand même pour cette période de l'année. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, pour les prochaines heures, partiellement nuageux. Ça deviendra nuageux cette nuit, température stable à près de zéro. Pour jeudi, des nuages, quelques averses qui vont débuter en après-midi, maximum de 7. Et de la pluie vendredi, maximum de 9 degrés. CFNJ. Entendu des OGs à Meloman, CFNJ 99.1, avec une chanson qu'on aurait pu mettre la semaine passée, puisque c'est une autre pièce d'amour universel. Il s'agissait de Love Train en 1972, comme on disait, des OGs qu'on a entendu il n'y a pas longtemps à l'émission avec For the Love of Money. C'était précédé d'un gars qu'on aurait pu mettre, lui, dans le spécial Jamaïque, parce que c'est un Jamaïcain, Jesse Green, avec un bijou plus disco du nom de Nice and Slow. Une pièce de 1976 précédée d'une autre de 77 par Kenny Rogers avec Lucille. Et là, vous êtes chanceux que je sois pas parti sur Lucille de Little Richard et B.B. King, dont la guitare s'appelle aussi Lucille, vous me connaissez. Mais non, il y avait quand même un petit lien ici parce que juste avant, on était dans l'ambiance des groupes de rock psychédélique des fins 60 où on a entendu encore ce cher Kenny Rogers, plus jeune, au sein du groupe The First Edition, qui était suivi du grand classique de Vanilla Fudge en 67 avec You Keep Me Hanging On, une reprise des Supremes qu'on a entendu lors du spécial Motown, évidemment. Non, mais j'avoue que c'est quand même assez éclaté ce soir, mais vous êtes un public de mélomanes, ça va bien aller, parce qu'on se tourne maintenant vers un bloc années 80 au 99.1 CFNJ. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was running strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. We'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. I'm Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ.

Welcome back to Meloman avec Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Vous avez syntonisé le 99.1 ou 88.9 CFNJ ou peut-être sur le net, qui sait. On vient d'entendre ce cher Ennio Morricone, responsable de nombre de chefs-d'œuvre. Il s'agissait de la magnifique pièce Chi Mai, apparue la première fois dans le film Magdalena de 71, mais qui est aussi redevenu un succès radiophonique même en 81 grâce à deux autres films, dont Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, ce qui justifie sa présence dans notre bloc années 80 qui a finalement oscillé entre 81 et 82. Le tout a commencé avec évidemment Joan Jett and the Blackhearts en 82, avec le méga succès I Love Rock'n'Roll, qui, il ne faut pas l'oublier, est en fait une reprise d'une chanson de 1975 du groupe nommé Arrows. Et après, on a eu droit à un petit bloc uni par un lien très ténu qui avait pour thème les yeux. Mais ça nous a donné quand même trois belles pièces, à commencer par Kim Carnes avec Betty Davis Eyes en 81, qui est aussi une reprise de Jackie DeShannon de 74. Mais ça, c'est rare que je dise ça, mais la version de Kim Carnes est vraiment meilleure que l'original. C'était suivi de Alan Oates avec Private Eyes en 81. Alan Oates qui dominait le palmarès à ce moment-là, et c'est normal parce qu'ils sont excellents. Et en parlant d'excellents, on a ensuite entendu The Alan Parsons Project en 82 avec le méga hit Eye in the Sky et ses merveilleuses harmonies vocales. Alan Parsons qui avait été l'ingénieur de son derrière des petits albums qui sont passés inaperçus comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd et Abbey Road des Beatles, de la petite bière quoi. Et maintenant, mesdames et messieurs, les Yardbirds au 99.1 CFNJ. Things that will excite and make you dream of me at night. Je m'en irai vers la vie.

confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost, and I seen that girl as the road to my survival. Later on the very same night, when I crept to her tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, here comes something and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. Don't let it. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I go home? Can I go home with you? Tell your mother and your father I once was a schoolboy too. Sometime I don't know what, sometime I don't know what, a woman what in this world, a woman what in this world. Don't wanna hurt your feeling, I either get mad with you. Letting my airplane down. Now who's that coming yonder? Now who's that coming yonder? She all dressed up and pretty. She all dressed up and pretty. Yeah. Now she don't be my baby, I'd soon to see her. Et 88.9, CFNJ. Muddy Waters, Meloman. Je vous avais dit qu'on reparlerait de l'étiquette de disque Chess Records de Chicago. Eh bien, on vient d'en entendre deux excellents échantillons à la personne du maître incontesté de la maison, Muddy Waters, avec Good Morning Little School Girl, accompagné à la contrebasse de Willie Dixon et à la guitare d'un jeune Buddy Guy qui commençait à se faire un nom à ce moment-là. C'est tiré d'un excellent album acoustique de 1964 intitulé Folk Singer. Et on a ensuite entendu Chuck Berry, toujours de chez Chess, avec Carol en 1958. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du label Chess, je vous conseille un très bon film qui s'appelle Cadillac Records, sorti en 2008, qui relate finalement toute l'histoire de Leonard Chess, un juif qui va tenter de vendre de la musique noire dans les années 50. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas toujours été facile. Donc, un très bon film instructif, Cadillac Records, avec Adrian Brody et Beyoncé. Et vous pourrez connaître l'histoire toute de Muddy Waters, Willie Dixon, Little Walter, Etta James, Chuck Berry. Et là, je nomme seulement ceux-là. C'est vraiment... ça m'avait surpris, ce film-là. Sinon, on a entendu Duncan de Paul Simon en 72 sur son premier album solo, une chanson où on peut entendre le même duo de flûte des Andes, Los Incas, qu'on avait pu entendre sur El Condor Pasa, de Simon & Garfunkel quelques années plus tôt. C'était précédé de L'appel de la soirée, du moins, selon moi, une petite chanson toute seule sur sa petite île. Il s'agissait de Vashti Bunyan avec Diamond Day en 1970. Et là, j'ai envie de vous me péter les bretelles en vous disant qu'il y a juste à Meloman que vous allez entendre ça. Parce que Vashti Bunyan avait délaissé complètement la musique après le peu de succès qu'avait rencontré son seul album, qui va être découvert récemment, qui va être salué comme une véritable petite perle des années 70. Et sinon, c'était précédé des Hoolops en 67 avec Vendredi m'obsède, une reprise de Friday on My Mind du groupe australien des Easy Beats et des Yardbirds avec un en son sein, un jeune Eric Clapton et le succès For Your Love de 1965. Une chanson qui va être écrite par Graham Gouldman, qui va aussi écrire Bus Stop des Hollies, qu'on a déjà entendu à l'émission, et fondé par la suite l'excellent groupe 10cc quelques années plus tard. Donc, vraiment. Et les Yardbirds qui ont aussi repris Good Morning Little Schoolgirl, la chanson avec laquelle on a terminé le bloc. Donc, voyez-vous, il y a des liens à faire partout. Et là, je vous l'ai dit, ce soir, ça prend toutes les directions possibles. On élargit notre palette à mélomanes. On se rend dans le passé, dans vraiment un pas si lointain, mais quand même, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et on s'y rend en train au 99.1 CFNJ. Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. You afford to board Chattanooga choo-choo. I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamalala calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Thank you.

retour à Méloman, au 99.1 CFNJ, où on vient de faire un voyage swing à l'ère des big bands. En effet, on vient d'entendre le gratin de la période dans un bloc effréné. Tout ça commençait avec Glenn Miller et son orchestre avec Chattanooga Choo Choo en 1941 et de Duke Ellington la même année, toujours avec son orchestre et son classique Take the A-Train. Donc, deux pièces ayant pour sujet le train, comme on avait dit. Évidemment, un moyen de transport très en vogue à l'époque. Il va sans dire, et c'est pour ensuite se diriger encore plus loin dans le temps. En fait, juste avant la guerre, en 1937, qu'on a entendu Count Basie et son orchestre, un autre grand du genre avec One O'Clock Jump, une pièce qui a été nommée dans les listes de chansons les plus marquantes du 20e siècle. C'était suivi de Benny Goodman, un clarinettiste jazz qui va jouer avec tout ce beau monde-là, avec la seule et unique Sing Sing Sing, composée par Louis Prima en 1936, mais qui va vraiment s'immortaliser sous les doigts de Benny Goodman en 1937. D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du swing, je vous invite à aller voir le film Swing Kids de 1993, qui nous fait connaître une réalité reliée à cette musique-là qu'on ignore souvent. Vous savez, quand on s'appelle Benny Goodman, qu'on est juif et qu'on joue de la musique de noir dans l'orchestre de noir de Duke Ellington, c'est pas Winner Winner en Allemagne nazie. Bref, vous irez voir ça, très intéressant, le film Swing Kids. Et là, juste pour jamais avoir à savoir sur quel pied danser, on s'en va dans un petit bloc années 90. Mais là, attention, peut-être pas les années 90 auxquelles vous vous attendez. En tout cas, moi, j'ai bien du fun d'animer ça, ce show-là. Toujours 99.1 CFNJ. Avec vous, partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 99.1. Prochaines heures, c'est quelques nuages. Un minimum de 0 cette nuit. Jeudi, ça restera nuageux. Maximum, quand même chaud pour demain, 8 degrés. Et encore plus chaud vendredi avec de la pluie intermittente. Un maximum de 11 degrés, ce qui est assez surprenant quand même pour cette période de l'année. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, pour les prochaines heures, partiellement nuageux. Ça deviendra nuageux cette nuit. Température stable à près de 0. Pour jeudi, des nuages, quelques averses qui vont débuter en après-midi. Maximum de 7. Et de la pluie vendredi, maximum de 9 degrés. CFNJ day. Would I lie? Tell you that I'm here to stay. Would I lie to you? You think I'd give my love away? Would I lie? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another. Refuge Cat, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. for El Boogie from the refugee camps. You know how we do. Why Clef Roswell, my man Little Bass, Jerry one time. This is how we a strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes. And like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. I've had can make a good man turn back. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. On vient de faire une incursion dans les années 90 pour redescendre dans les années 80. Écoutez deux perles qu'on n'entend plus assez. On vient d'entendre le groupe britannique The Smiths avec Please, Please, Please, Let Me Get What I Want en 1984. Qui était précédé de Peter Murphy avec Strange Kind of Love, un single de 1990, mais qui est tiré de son album Deep de 1989, pièce acoustique de l'ex-chanteur de Bauhaus qu'on a entendu lors du party d'Halloween, Méloman avec Bela Lugosi's Dead. En fait, on vient d'entendre le père du rock gothique, croyez-le ou non. Et juste avant, une flopée de gros hits avec les Fugees et leur reprise du classique de Robert Flack, Killing Me Softly With His Song de 1996, et la voix de Lauryn Hill qui avait marqué tout le monde à l'époque. Imaginez, on était de 1937 à 1996 ce soir. Et sinon, juste avant, un bel exemple de chanson que tout le monde connaît, mais sans savoir le titre, à part un de mes amis, Pat Moore, qui me l'a rappelé 100 fois. Donc, en plein genre de trucs que j'aime, on a entendu « Would I Lie to You » de Charles and Eddie de 1992. Et là, on va y aller dans le un peu plus rock and roll. Mais juste avant, on va entendre ma deuxième pièce préférée de la soirée après Vashti Bunyan. Du moins, ma préférée d'Henri Salvador. En 1967, moi, je prends mon temps au 99.1 CFNJ. Les gens rêvent de voyages organisés. Ils collectionnent des images, moi je préfère voir les fleurs pousser. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent après l'amour, sans le voir quand il est là. Moi je laisse pas passer mon tour quand il arrive tout près de moi. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens foncent dans leur voiture, moi je flâne sur les quais. Ils se cassent la figure, moi je vois les filles se balader. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Quand j'ai envie d'une fille, je ne joue pas les dents juants. Je lui dis je te trouve gentille, mais rassure-toi j'ai tout mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens au cœur des villes, moi j'ai su quitter Paris. J'ai débarqué dans une île, c'est de là que je vous écris. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Moi je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Rien ne vous empêche d'en faire autant. Je prends mon temps, j'ai tout mon temps, rien ne vous empêche d'en faire. Oh, quand les pieds me chatouillent, et puis j'ai rien qu'envie de danser. Oh, quand les pieds me chatouillent, et puis j'ai rien qu'envie de danser. J'embarque dans mon baby ballon pour me crêter. Quand j'ouvre la radio et puis j'entends un rock and roll. Quand j'ouvre la radio et puis j'entends un rock and roll. J'prends mon téléphone et puis j'appelle une fille qui met le fun. Oh, j'flippe et j'flappe et j'fly. J'veux plus rien savoir. Oh, j'flippe et j'flappe et j'fly. Y'a rien trop beau à soir. Le rock, mon bébé, c'est au bon quand danse avec toi. C'est une petite rougette que j'embrasse longtemps. C'est une petite rougette que j'embrasse longtemps. Et c'est tellement bon que j'en passe du vrai bonbon. Dans une discothèque qui est vraiment pou-pout de tout. Dans une discothèque qui est vraiment au bout de tout. On se perd dans Foucan, on danse le rock jusqu'au petit jour. On flippe, on flappe, on fly. On veut plus rien savoir. On flippe, on flappe, on fly. Y'a rien de trop beau à soir. Le rock, mon bébé, c'est au bout quand j'en danse avec toi. On se trouve bien fatigué. C'est dans mon oreiller qu'on se trouve bien fatigué. On dit qu'on va s'aimer pour la vie jusqu'à lundi. Ah, je flippe et je flappe et je fly. Je veux plus rien savoir. Ah, je flippe et je flappe et je fly. Y'a rien trop bon à soir. Le rock est trop fun, puis ma douce, puis je te dis goodbye. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. The old folks say that you gotta end your day by 10. If you're out on a date and you bring it on late, it's a sin. You just ain't no excuse and you know you're gonna lose and never win. I say it again. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Stop me! Ain't gonna help! entendu beaucoup de stock ici à Mélomane, un petit bloc plus rock 80 avec Loverboy, un groupe canadien, et leur gros succès de 1980, Turn Me Loose, qui était précédé de Foreigner et de Billy Squire avec respectivement Urgent et The Stroke, deux pièces de 1981. Et juste avant, on était dans Rock and Roll, mais années 70 avec Loggins and Messina, deux gars de qui on a déjà parlé à l'émission à plusieurs reprises, surtout de Jim Messina qui était dans un groupe de musique surf et aussi dans Buffalo Springfield auprès de Neil Young dans les années 60. C'est quand même ironique qu'on ait plus parlé de Jim Messina parce que c'est Kenny Loggins qui est de loin le plus connu grâce au thème du film Footloose, entre autres. Donc, Loggins and Messina, qu'on a entendu avec Your Mama Don't Dance de 1972, qui était précédé de nul autre que Paolo Noël avec Flip Flop Fly, une reprise d'un des prototypes du rock'n'roll par Big Joe Turner de 1955. Je vous ferai certainement jouer ça, l'original, un de ces jours, assez comme rien. Et là, j'ai le goût de me venger. Parce que vous en rappelez peut-être même pas, mais moi, il y a à peu près deux semaines, j'ai fini la soirée en vous disant que je vous mettais du Kiss. C'est malencontreusement Hold the Line de Toto qui est parti. Donc, je me reprends ce soir, sans raison valable, Kiss au 99.1 CFNJ. Thank you. 96.1 et 88.9 CFNJ. Two of a kind. I want to break free. I got my mind set on you. George Harrison, Méloman, CFNJ 99.1 et 88.9 FM. Et oui, une reprise pour M. Harrison en 1987, Got My Mind Set On You, originalement une pièce de James Ray en 1962. Et on a aussi entendu l'incomparable Freddie Mercury avec Queen en 1984, et un succès qui en a été un plus en Angleterre qu'aux États-Unis initialement, conséquence d'un vidéoclip où on pouvait voir le groupe au complet habillé en femme. L'Amérique trop puritaine était pas prête. Et sinon, un classique de 1983, Hold Me Now des Thompson Twins, qui suivait Kiss avec I Was Made for Loving You de 1979. Et c'est là-dessus que se termine notre voyage incroyable, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir accompagné de la sorte tout au long de la soirée. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, soit mercredi à partir de 21h au 99.1 CFNJ, où je vous prépare, entre autres choses, un spécial bleu. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je peux pas attendre. Donc, en vous souhaitant une bonne semaine d'ici là. Et là, vous savez qu'avec George Harrison, ça s'en prenait pas plus pour que je parte sur les Beatles. Mais vous êtes chanceux, je vais me contenter d'une petite merveille à la Paul McCartney. Bonne nuit à vous, chers auditeurs. Le groupe Wings au 99.1 CFNJ. your favor, open the door, let him in.